Section 63 de La lecture, tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 3e, section 63. L'impur, conte russe, par Émile Blémont. Il y avait une fois un vieil homme et une vieille femme qui avaient une fille nommée Maroussia. Note Marie, fin de note. Dans leur village, c'était la coutume de célébrer la Saint-André. Les filles s'assemblaient dans une maison, faisaient un gâteau pampushki et se régalaient pendant une semaine ou même plus longtemps. C'était comme cela. Or, une fois, les filles se rassemblèrent quand la fête arriva et boulangèrent comme de coutume. Le soir, les garçons vinrent avec la musique et les rafraîchissements. La danse et les réjouissances commencèrent. Toutes les filles dansaient bien, mais Maroussia dansait mieux encore que les autres. Bientôt entra dans le bal un joli, bien joli cavalier. Oh, regardez comme il est rose et bleu, comme il est élégant et richement habillé. « Salut, belle demoiselle, » dit-il. « Salut, excellent jeune homme, » dirent-elles. « Vous êtes en train de vous réjouir ? Faites-nous l'amitié de vous joindre à nous. » Là-dessus, il tira de sa poche une bourse pleine d'or et commanda des rafraîchissements, des fruits et des gâteaux. Tout fut prêt en un clin d'œil, et il traita magnifiquement les garçons et les filles, leur offrant à tous quelque chose. Puis il se mit à danser. Oh, ce fut un vrai plaisir de le regarder alors. Maroussia semblait lui plaire plus que personne. Il se mit près d'elle et ne la quitta presque pas. L'heure vint de rentrer chacun chez soi. « Maroussia, dit-il, voulez-vous venir un peu avec moi ? » Elle vint avec lui. « Maroussia, mon amour, dit-il, voulez-vous m'épouser ? Voulez-vous ? Si vous voulez de moi pour femme, je vous accepterai avec joie pour mari. Mais d'où venez-vous ? » « De tel et tel endroit, répondit-il, je suis commis chez un marchand. » Alors, ils se dirent mutuellement adieu en se séparant. Quand Maroussia revint chez ses parents, sa mère lui dit « Eh bien, fillette, t'es-tu bien amusée ?»« Oui, maman. Et puis, j'ai quelque chose de bien gentil à te dire. Il est venu un jeune homme des environs, de très bonne mine et avec beaucoup d'argent, et il m'a promis de m'épouser. » « Écoute, Maroussia, quand tu iras demain avec les autres filles, emporte une pelote de fil, fais-y un petit nœud coulant, et quand tu te retrouveras avec ce garçon, jette le nœud à un de ses boutons sans qu'il s'en aperçoive et laisse tranquillement la pelote se dévider. Alors, en suivant le fil, tu pourras savoir où demeure le jeune homme. » Le lendemain, Maroussia s'en alla à la réunion et emporta une pelote de fil. Le jeune homme ne tarda pas à revenir. « Bonsoir, Maroussia, dit-il. « Bonsoir, dit-elle. » Les jeux et les danses commencèrent. Il sembla plus étroitement attaché à Maroussia et ne la quitta pas d'une semelle. L'heure vint de rentrer chacun chez soi. « Maroussia, voulez-vous venir un peu avec moi ? » dit l'étranger. Elle sortit avec lui sur la route et tandis qu'il prenait congé d'elle, elle attacha tranquillement le fil à un de ses boutons sans qu'il s'en aperçût. Il s'en alla de son côté, mais Maroussia resta là, déroulant la pelote. Quand elle l'eut déroulée jusqu'au bout, elle courut après le fil pour voir où demeurait son fiancé. D'abord, le fil suivit la route, puis il s'en alla par les haies, les fossés et les buissons, et conduisit Maroussia vers l'église, droit au porche. Maroussia voulut ouvrir la porte. Elle était fermée. Elle fit le tour de l'église, trouva une échelle, la mit contre une fenêtre et monta pour voir ce qui se passait dans l'église. Quand elle fut assez haut, elle regarda et vit son fiancé accroupi, près d'un cercueil et dévorant un cadavre, car cette nuit-là, on avait laissé un mort exposé dans le lieu saint. Elle se dépêcha bien vite de redescendre, mais elle tremblait si fort qu'elle ne prit pas bien ses précautions et fit un peu de bruit. Alors, elle courut chez elle, toute bouleversée, s'imaginant tout le temps qu'elle était poursuivie. Elle était à moitié morte en rentrant. Le lendemain matin, sa mère lui demanda « Eh bien, Maroussia, avez-vous vu ce garçon ?»« Je l'ai vu, maman, » répondit-elle, mais de tout le reste, elle ne souffla mot. Toute la matinée, elle resta sur sa chaise, se demandant si elle devait retourner à la danse. « Va, lui dit sa mère, amuse-toi pendant que tu es jeune. » Elle retourna donc à la danse. L'impur y était déjà. Les jeux, les plaisanteries, les danses recommencèrent de plus belle. Les autres filles ne soupçonnaient pas ce qui était arrivé. « Marussia, dit le mauvais, voulez-vous venir un peu avec moi ?» Elle avait peur et ne bougea pas. Alors, les autres filles se mirent à se moquer d'elle. « À quoi penses-tu? Es-tu devenue timide en vérité? Va donc un peu avec lui, il ne te mangera pas. » Elle n'avait pas le moyen de faire autrement. Elle s'en alla avec lui, ne sachant pas ce qu'il en adviendrait. Aussitôt, ils se retrouvèrent seuls sur la route et il commença à la questionner. « Vous avez été à l'église la nuit dernière ?»« Non. » « Et vous avez vu ce que j'étais en train de faire ?»« Non. » « Très bien. Demain, votre père sera mort. » Marussia rentra, grave et triste. Quand elle se réveilla le lendemain matin, son père était mort. On pleura, on sanglota sur lui, et on le mit au cercueil. Le soir, la mère de Marussia alla voir le prêtre, mais Marussia resta à la maison. À la fin, elle eut peur de rester là toute seule. « Si j'allais rejoindre mes compagnes, » pensa-t-elle. Elle alla les rejoindre, et parmi elles, retrouva le mauvais. « Bonsoir, Marussia. Pourquoi n'es-tu plus gaie aujourd'hui ?» lui demandèrent les filles. « Comment voulez-vous que je sois gaie? Mon père est mort. »« Oh, pauvre enfant !» Elles se lamentèrent toutes avec Marussia. Le maudit lui-même se lamenta, tout comme si ce n'était pas de sa faute. Bientôt, on se dit adieu, et chacun rentra chez soi. « Marussia, dit-il, voulez-vous venir un peu avec moi ?» Elle aurait bien voulu ne pas aller avec lui. « À quoi penses-tu donc, ma chère ?» dirent les filles. « De quoi as-tu peur? Tu peux bien aller un peu avec lui. » Elle s'en alla donc avec lui. Ils se retrouvèrent seuls sur la route. « Répondez, Marussia, dit-il, avez-vous été à l'église ?»« Non. » « Avez-vous vu ce que j'étais en train de faire ?»« Non. » « Eh bien, demain, votre mère sera morte. » Il se leva et disparut. Marussia rentra, plus triste que jamais. La nuit s'écoula. Le lendemain matin, quand elle se réveilla, sa mère était morte. Elle sanglota toute la journée. Mais quand le soleil se coucha et qu'il commença à faire noir autour d'elle, Marussia eut peur de rester là toute seule et alla retrouver ses compagnes. « Qu'as-tu donc? Tu n'es plus reconnaissable ?» lui dirent les filles. « Comment voulez-vous que je sois comme autrefois? Hier, mon père est mort, et ma mère est morte aujourd'hui. »« Pauvre petite, pauvre malheureuse fille !» s'écrièrent-elles avec une douloureuse sympathie. Mais le temps vint de rentrer chacun chez soi. « Voulez-vous venir avec moi, Marussia ?» dit l'impur. Elle s'en alla avec lui. « Répondez, étiez-vous à l'église ?»« Non. » « Et avez-vous vu ce que j'étais en train de faire ?»« Non. » « Eh bien, demain soir, vous serez morte vous-même. » Marussia alla passer la nuit chez une de ses compagnes. Le lendemain matin, elle se leva et se demanda ce qu'elle devait faire. Elle se rappela qu'il lui restait une vieille tante, vieille grand-mère, qui de vieillesse avait perdu la vue. « Si j'allais voir grand-maman et lui demander son avis, » se dit-elle, et elle alla chez la bonne vieille. « Bonjour, grand-maman, » dit-elle. « Bonjour, ma petite fille. » « Qu'est-ce que tu dis de nouveau? Comment va ton père et ta mère ?»« Ils sont morts, grand-maman, » répondit la petite, et elle lui raconta tout ce qui était arrivé. La vieille l'écouta et dit « mon Dieu, ma pauvre chère enfant, quel malheur! Va vite retrouver monsieur le curé et demande-lui en grâce pour que le cas où tu viendrais à mourir, que ton corps ne soit pas emporté de chez toi par la porte et que l'on creuse un passage dans la terre sous le seuil, pour te faire sortir par là. Demande-lui aussi d'être enterré à un carrefour où quatre routes se rencontrent. » Marussia alla trouver le prêtre, pleura des larmes amères et obtint de lui qu'il se conformât aux instructions de la grand-mère. Alors, elle s'en retourna, acheta un cercueil, s'y étendit et aussitôt expira. Elle expira et l'on avertit le prêtre qui enterra d'abord le père et la mère de Marussia, puis Marussia elle-même. On creusa un passage sous terre pour enlever son corps, et on l'enterra à un carrefour où quatre routes se rencontraient. Bientôt après, le fils d'un seigneur vint à passer à cheval près du tombeau de Marussia. Sur ce tombeau, il vit pousser une merveilleuse fleur. Il n'avait jamais rencontré la pareille auparavant. Le jeune seigneur dit à son valet, « Va prendre cette fleur, sans la couper. Prends-la avec les racines. Nous la rapporterons au château et nous la mettrons dans un pot de fleurs. Peut-être là, s'épanouira-t-elle. » C'était bien. Ils déterrèrent l'arbuste, le rapportèrent, le mirent dans un pot de fleurs vernies et le posèrent devant une fenêtre. La fleur se mit à pousser, de plus en plus forte et de plus en plus belle. Une nuit, le valet, qui par hasard ne dormait pas encore, leva machinalement les yeux vers la fenêtre et fut témoin d'un véritable miracle. Tout à coup, la fleur trembla, puis elle tomba de sa tige et se transforma en une ravissante jeune fille. La fleur était splendide, mais plus splendide encore en était sortie la jeune fille. Elle erra de salle en salle, prit diverses choses pour boire et manger, but et mangea, frappa du pied le sol, redevint la fleur d'auparavant et reprit sa place sur la tige devant la fenêtre. Le lendemain, le valet dit au jeune seigneur les merveilles qu'il avait vues pendant la nuit. « Ah, frère, dit le jeune homme, que ne m'avez-vous éveillé? Ce soir, nous veillerons ensemble. » La nuit vint. Ils ne dormirent pas, mais veillèrent. À minuit juste, la fleur se mit à trembler, glissa, tomba, et une ravissante jeune fille apparut. Elle alla chercher à manger et à boire, et s'assit pour souper. Le jeune seigneur s'élança et la saisit par ses blanches mains. Il ne pouvait pas se rassasier de la regarder, de contempler sa beauté. Le lendemain matin, il dit à son père et à sa mère, « Je vous en prie, mariez-moi, je me suis trouvé une fiancée. » Ses parents donnèrent leur consentement. Pour Marussia, elle dit, « Seulement à cette condition, vous épouserai-je que pendant 4 années, vous me permettrez de ne point aller à l'église. » « Parfaitement, dit-il. C'est bien. Ils furent mariés, vécurent ensemble 1 an, 2 ans, et eurent un fils. Mais un jour, il vint chez eux des visiteurs, qui se régalèrent, burent sec, commencèrent à se vanter de leur femme. La femme de celui-ci était belle, la femme de celui-là plus belle encore. « Vous pouvez dire ce que vous voudrez, dit l'hôte, mais il n'y a pas une femme plus belle que la mienne dans l'univers entier. » « Belle, oui, répliquèrent les visiteurs, mais une païenne. Comment cela? Mais elle ne va jamais à la messe. » Le mari trouva ces observations désagréables. Il attendit jusqu'au dimanche, et alors dit à sa femme de s'habiller pour aller à l'église. « Vous aurez beau dire, dit-il, allez et apprêtez-vous tout de suite. » « C'est bien. » Ils s'apprêtèrent et allèrent à l'église. Le mari entra et ne vit rien d'extraordinaire. Mais quand elle leva les yeux, elle vit l'impur assis à une fenêtre. « Ah, vous voici enfin » cria-t-il. « Rappelez-vous l'ancien temps. Étiez-vous à l'église cette fameuse nuit ?»« Non. Et avez-vous vu ce que je faisais ?»« Non. Eh bien, demain, votre mari et votre fils seront morts. » Marussia se précipita hors de l'église et alla trouver sa grand-mère. La vieille lui donna 2 fioles, l'une pleine d'eau bénite et l'autre pleine d'eau de la vie. Elle lui dit ce qu'elle aurait à faire. Le lendemain, le fils et le mari de Marussia moururent tous les deux. Alors, l'impur lui apparut et lui demanda. « Dites-moi, étiez-vous à l'église ?»« J'y étais. Et avez-vous vu ce que j'y faisais ?»« Vous dévoriez un cadavre. » Elle dit et jeta sur lui son eau bénite. En un moment, il fut réduit en cendres légères, et les cendres s'envolèrent au vent. Puis, elle arrosa son mari et son fils avec son eau de la vie, et tout de suite, ils ressuscitèrent. De ce jour, ils ne connurent plus ni chagrin, ni séparation. Ils furent très heureux et vécurent beaucoup d'années. Fin de la section 63, lue par Isade, en 2022.